Anne Radcliffe, les mystères de Dolph. Chapitre 1er. Sur les bords de la Garonne existait en 1584, dans la province de Guyenne, le château de Monsieur Saint-Aubert. De ses fenêtres, on découvrait les riches paysages de la Guyenne, qui s'étendaient le long du fleuve, couronnés de bois, de vignes et d'oliviers. Au midi, la perspective était bornée par la masse imposante des Pyrénées, dont les sommets, tantôt cachés dans les nuages, tantôt laissant apercevoir leur forme bizarre, se montraient quelquefois nus et sauvages au milieu des vapeurs bleuâtres de l'horizon, et quelquefois découvraient leurs pentes, le long desquels de noirs sapins se balançaient, agités par les vents. D'affreux précipices contrastaient avec la douce verdure des pâturages et des bois qui les avoisinaient. Des troupeaux de simples chaumières reposaient les regards fatigués de l'aspect des abîmes. Au nord et à l'orient s'étendaient à perte de vue les plaines du Languedoc, et l'horizon se confondait au couchant avec les eaux du golfe de Gascogne. Monsieur Saint-Aubert aimait à errer, accompagné de sa femme et de sa fille, sur les bords de la Garonne. Il se plaisait à écouter le murmure harmonieux de ses eaux. Il avait connu une autre vie que cette vie, simple et champêtre. Il avait longtemps vécu dans le tourbillon du grand monde, et le tableau flatteur de l'espèce humaine que son jeune cœur s'était tracé avait subi les tristes altérations de l'expérience. Néanmoins, la perte de ses illusions n'avait ni ébranlé ses principes ni refroidi sa bienveillance. Il avait quitté la multitude avec plus de pitié que de colère, et s'était borné pour toujours aux douces jouissances de la nature, au plaisir innocent de l'étude, à l'exercice des vertus domestiques. Il était d'une branche cadette, mais il descendait d'une illustre famille, et ses parents auraient souhaité que, pour préparer les injures de la fortune, il eût eu recours à quelque riche alliance, ou tenter de réussir par les manœuvres de l'intrigue. Pour ce dernier plan, Saint-Aubert avait dans l'âme trop d'honneur, trop de délicatesse, et quant au premier, il avait trop peu d'ambition pour sacrifier ce qu'il appelait le bonheur à l'acquisition des richesses. Après la mort de son père, il épousa une femme aimable, son égale en essence, aussi bien qu'en fortune. Le luxe et la générosité de son père avaient tellement obéré le patrimoine qu'il lui avait laissé qu'il fut forcé d'en aliéner une partie. Quelques années après son mariage, il le vendit à M. Quesnel, frère de sa femme, et se retira dans une petite terre en Gascogne, où le bonheur conjugal et les devoirs paternels partagèrent son temps avec les charmes de l'étude et de la méditation. Depuis longtemps, ce lieu lui était cher. Il était venu souvent dans son enfance, et conservait encore l'impression des plaisirs qu'il y avait goûtés. Il n'avait oublié ni le vieux paysan qu'on avait chargé de veiller sur lui, ni ses fruits, ni sa crème, ni ses caresses. Les vertes prairies où, plein de santé, de joie et de jeunesse, il avait si souvent bondi parmi les fleurs, les bois dont le frais ombrage avait entendu ses premiers soupirs et entretenu la pensive mélancolie qui devint ensuite le trait dominant de son caractère, les promenades agrestes des montagnes, les rivières qu'il avait traversées, les plaines vastes, immenses comme les espérances du jeune âge, jamais Saint-Aubert ne se rappelait qu'avec enthousiasme, qu'avec regret, ces lieux embellis par tant de souvenirs. À la fin, dégagé du monde, Il y vint fixer sa retraite et réaliser ainsi les vœux de toute sa vie. Le bâtiment, tel qu'il existait alors, n'était guère qu'un pavillon. Un étranger eût admiré, sans doute, son élégante simplicité et la beauté de ses dehors. Mais il y fallait des augmentations considérables pour en faire l'habitation d'une famille. Saint-Aubert sentait une sorte d'affection pour les parties du bâtiment qu'il avait jadis connues. Il ne voulut jamais qu'on en dérangeât une seule pierre, de sorte que la nouvelle construction, adaptée au style de l'ancienne, fit du tout une demeure plus commode que recherchée. L'intérieur, abandonné aux soins de Madame Saint-Aubert, lui donna occasion de montrer son goût. Mais la modestie qui caractérisait ses mœurs présida toujours aux embellissements qu'elle ordonna. La bibliothèque occupait la partie occidentale du château. Elle était remplie des meilleurs ouvrages, tant anciens que modernes. Cette pièce s'ouvrait sur un bosquet qui, planté le long d'une pente douce, conduisait à la rivière, et dont les arbres élevés formaient une ombre épaisse et mystérieuse. Des fenêtres, l'œil découvrait par-dessous les berceaux le riche paysage qui s'étendait à l'occident et apercevait à gauche les hardis précipices des Pyrénées. Près de la bibliothèque était une terrasse garnie de plantes rares et précieuses. Un des amusements de Saint-Aubert était l'étude de la botanique, et les montagnes voisines, qui offrent tant de trésors aux naturalistes curieux, le retenaient souvent des jours entiers. Il était quelquefois accompagné dans ses excursions par Madame Saint-Aubert et souvent par sa fille. Un petit panier d'osier pour recevoir les plantes, un autre rempli de quelques aliments que n'eût pu leur offrir la cabane d'un berger, formaient leur équipage. Il parcourait les lieux les plus sauvages, les scènes les plus pittoresques, et ne concentrait pas tellement leur attention dans l'étude des moindres ouvrages de la nature, qu'ils n'admirassent aussi ces beautés grandes et sublimes. Là de gravir des rochers, où le seul enthousiasme semblait avoir pu les conduire, où l'on ne voyait sur la mousse d'autres traces que celles du timide chamois, il cherchait un abri dans ces beaux temples de verdure, reculés au sein des montagnes. À l'ombre des mélèzes et des pins élevés, il goûtait un repas frugal, savourait les eaux d'une source voisine et respirait avec délice les parfums de diverses plantes qui émaillaient la terre ou pendaient en festons aux arbres et aux rochers. À gauche de la terrasse et vers les plaines du Languedoc, était le cabinet d'Émilie. Là étaient ses livres, ses crayons, ses instruments, quelques oiseaux et quelques fleurs favorites. C'était là qu'occupée de l'étude des arts, elle les cultivait avec succès, parce qu'ils convenaient à son goût et à son caractère. Ses dispositions naturelles, secondées par les instructions de Monsieur et Madame Saint-Aubert, avaient facilité les progrès. Les fenêtres de cette pièce s'ouvraient jusqu'en bas sur le parterre qui bordait la maison. Et des allées d'amandiers, de figuiers, d'acacias ou de myrtes fleuries conduisaient au loin la vue vers ces rivages qu'arrosait la Garonne. Les paysans de ces heureux climats, quand leur travail était fini, venaient souvent sur le soir danser en groupe sur le bord de la rivière. Les sons animés de leur musique, la vivacité de leurs pas, la gaieté de leur maintien, le goût et le caprice des jeunes filles dans leur ajustement, donnaient à toute la scène un caractère vraiment français. Le front du château, du côté du midi, faisait face aux montagnes. Au rez-de-chaussée était une grande salle et deux salons commodes. L'étage supérieur, car il n'y en avait qu'un, était distribué en chambres à coucher, sauf une seule pièce. qu'ornait un grand balcon et où se faisait ordinairement le déjeuner. Dans l'arrangement des dehors, l'attachement de Saint-Aubert pour les théâtres de son enfance avait quelquefois sacrifié le goût au sentiment. Deux vieux mélèzes ombrageaient le bâtiment et coupaient la vue. Mais Saint-Aubert disait quelquefois que s'il les voyait périr, il aurait peut-être la faiblesse d'en pleurer. Il planta près de ces mélèzes un petit bosquet de hêtres, de pins et de frênes de montagne. Sur une haute terrasse au-dessus de la rivière étaient plusieurs orangers et citronniers, dont les fruits mûrissant parmi les fleurs exhalaient en l'air un admirable et doux parfum. Il leur joignit quelques arbres d'une autre espèce. Là, sous un large platane dont les branches s'étendaient jusque sur la rivière, il aimait à s'asseoir dans les belles soirées de l'été, entre sa femme et ses enfants. Au travers du feuillage, il voyait le soleil se coucher à l'extrémité de l'horizon. Il voyait ses derniers rayons briller, s'affaiblir et confondre peu à peu leurs nuances pourprées avec les tons grisâtres du crépuscule. C'est là aussi qu'il aimait à lire, à converser avec Madame de Saint-Aubert, à faire jouer ses enfants, à s'abandonner aux douces affections, compagnes ordinaires de la simplicité et de la nature. Souvent il se disait, les larmes aux yeux, que ces moments étaient 100 fois plus doux que les plaisirs bruyants et les tumultueuses agitations du monde. Son cœur était satisfait. Il avait cet avantage si rare de ne point désirer plus de bonheur qu'il n'en avait. La sérénité de sa conscience se communiquait à ses manières, et pour un esprit comme le sien, il prêtait du charme au bonheur même. La chute totale du jour ne l'éloignait pas de son platane favori. Il aimait ce moment où les dernières clartés s'éteignent, où les étoiles l'une après l'autre viennent briller dans l'espace et se réfléchir sur le miroir des eaux, moment touchant et doux, où l'âme dilatée s'ouvre aux plus tendres sentiments, aux contemplations les plus sublimes. Quand la lune de ses rayons argentés perçait l'épais feuillage, Saint-Aubert restait encore. Et souvent il se faisait apporter sous son arbre favori le laitage et les fruits qui composaient son souper. Quand la nuit était close, le rossignol chantait, et ses mélodieux accents réveillaient au fond de son âme une douce mélancolie. La première interruption du bonheur qu'il avait connu dans sa retraite fut occasionnée par la mort de ses deux fils. Il les perdit à cet âge où les grâces enfantines ont tant de charme. Et quoique par égard pour Madame de Saint-Aubert, il eût modéré l'expression de sa douleur et se fût efforcé de la soutenir en philosophe, il n'avait point de philosophie à l'épreuve de pareille perte. Une fille était désormais son unique enfant. Il veilla sur le développement de son caractère et travailla sans relâche à la maintenir dans les dispositions les plus propres au bonheur. Elle avait annoncé, dès ses premiers rangs, une rare délicatesse d'esprit, des affections vives et une facile bienveillance, mais on pouvait distinguer néanmoins une susceptibilité trop grande pour comporter une paix durable. En avançant vers la jeunesse, cette sensibilité donna un tour réfléchi à ses pensées, une douceur à ses manières, qui ajoutait la grâce à la beauté, et la rendait bien plus intéressante aux personnes douées d'une disposition analogue. Mais Saint-Aubert avait trop de bon sens pour préférer un charme à une vertu. Il avait assez de pénétration pour juger combien ce charme était dangereux à celle qui le possédait, et il ne pouvait s'en applaudir. Il tâcha donc de fortifier son caractère, de l'habituer à dominer ses penchants, et à se maîtriser elle-même. Il lui apprit à retenir le premier mouvement, et à supporter de sang-froid les innombrables contrariétés de la vie. Mais pour lui apprendre à se contraindre, à se donner cette dignité calme qui peut seule contrebalancer les passions et nous élever au-dessus des événements et des disgrâces, lui-même avait besoin de quelque courage, et ce n'était pas sans effort qu'il paraissait voir tranquillement les larmes, les petits chagrins que sa prévoyante sagacité occasionnait quelquefois à Émilie. Émilie ressemblait à sa mère. Elle avait sa taille élégante, ses traits délicats. Elle avait comme elle des yeux bleus, tendres et doux. Mais quelque beau que fussent ses traits, c'était surtout l'expression de sa physionomie, mobile comme les objets dont elle était affectée, qui donnait à sa figure un charme irrésistible. Saint-Aubert cultiva son esprit avec un extrême soin. Il lui donna un aperçu des sciences et une exacte connaissance de la meilleure littérature. Il lui montra le latin et l'italien. Désirant surtout qu'elle pût lire les poèmes sublimes écrits dans ces deux langues, elle annonça dès les premières années un goût décidé pour les ouvrages de génie. Et c'était un principe pour Saint-Aubert de multiplier ses moyens de jouissance. Un esprit cultivé, disait-il, est le meilleur préservatif contre la contagion des folies et du vice. Un esprit vide a toujours besoin d'amusement, et se plonge dans l'erreur pour éviter l'ennui. Le mouvement des idées fait de la réflexion une source de plaisir, et les observations fournies par le monde lui-même compensent les dangers, les tentations qu'il offre. La méditation et l'étude sont nécessaires au bonheur, soit à la campagne, soit à la ville. À la campagne, elles préviennent les langueurs d'une indolente apathie, et ménagent de nouvelles jouissances dans le goût et l'observation des grandes choses. À la ville, elles rendent la dissipation moins nécessaire et par conséquent moins dangereuse. Sa promenade favorite était une petite pêcherie appartenant à Saint-Aubert, située dans un bois voisin sur le bord d'un ruisseau qui descendait des Pyrénées, écumait à travers les rochers et s'enfuyait en silence sous l'ombrage qu'il réfléchissait. De cette retraite, on apercevait au travers des arbres qui la couvraient les plus riches traits des paysages environnants. L'œil s'égarait au milieu des rochers élevés, des humbles cabanes et des sites riants qui bordaient la rivière. Ce lieu était aussi la retraite chérie de Saint-Aubert. Il y venait souvent éviter les chaleurs du jour avec sa femme, sa fille et ses livres. Ou vers le soir, à l'heure du repos, il venait saluer le silence et l'obscurité et goûter les chants plaintifs de la tendre Philomèle. Quelquefois encore, il apportait sa musique. L'écho se réveillait au ton de son hautbois et la voix mélodieuse d'Émilie adoucissait les souffles légers qui y recevaient et portaient loin de son expression et ses accents. Dans une de ces charmantes parties, elle aperçut sur un coin de la boiserie les vers suivants écrits avec un crayon. De mes chagrins trop faibles interprète, enfant naïf du plus pur sentiment, ô vous mes vers, quand un objet charmant visitera ses paisibles retraites, retracez-lui mon amoureux tourment. Le jour fatal, le jour où sa présence fit à mon cœur sentir ses premiers feux, infortuné, j'étais sans défiance contre l'attrait répandu dans ses yeux. Il me semblait qu'un messager des cieux me pénétrait de sa douce influence. L'erreur cessa bientôt et son absence vint à mon cœur révéler sans détour tous les transports d'un invincible amour, de mes chagrins, etc. Ces vers ne s'adressaient à personne. Émilie ne pouvait se les appliquer, quoiqu'elle fût sans aucun doute la nymphe de ces bocages. Elle parcourut le cercle étroit de ses connaissances sans pouvoir en faire l'application, et resta dans l'incertitude, incertitude de moins pénible pour elle qu'elle ne l'eût été pour un esprit plus oisif. Elle n'avait pas le loisir de s'occuper longtemps d'une bagatelle, et d'en exagérer l'importance en y revenant sans cesse. Incertitude qui ne lui permettait pas de supposer que ses vers lui fussent adressés, ne l'obligeait pas non plus à adopter l'idée contraire. Mais le petit mouvement de vanité qu'elle sentit ne dura point. Et bientôt même, elle l'oublia pour ses livres, ses études et ses bonnes œuvres. Peu de temps après, son inquiétude fut excitée par une indisposition de son père. La fièvre le saisit, et sans être fort dangereuse, elle porta une atteinte sensible à son tempérament. Madame Saint-Aubert et Émilie le veillèrent sans relâche, mais sa convalescence fut lente, et tandis qu'il recouvrait sa santé, Madame Saint-Aubert perdait la sienne. À son rétablissement, le premier objet qu'il visita fut sa pêcherie, une corbeille de provisions, ses livres, et le luth d'Émilie y furent envoyés d'avance. Pour la pêche, on n'y en parlait point. Saint-Aubert ne trouvait aucun plaisir à une destruction. Après une heure de promenade et de recherche botanique, le dîner fut servi. La reconnaissance causée par le plaisir de revoir encore ce lieu chéri répandit sur ce repas toute la douceur du sentiment. L'aimable famille semblait retrouver le bonheur sous ses heureux ombrages. Monsieur Saint-Aubert causait avec une singulière gaieté. Chaque objet ranimait ses sens. L'aimable fraîcheur, la jouissance qu'apporte la première vue de la nature après la souffrance d'une maladie et le séjour d'une chambre à coucher ne peuvent sans doute ni se concevoir, ni se décrire dans l'état de santé parfaite. La verdure des bois et des pâturages, la variété des fleurs, la voûte bleue du ciel, le parfum de l'air, le murmure des eaux, le bourdonnement des insectes la nuit, tout semble alors vivifier l'âme et donner du prix à l'existence. Madame Saint-Aubert, ranimée par la gaieté et la convalescence de son époux, oublia son indisposition personnelle. Elle se promena dans les bois et visita les situations romantiques de cette retraite. Elle conversait avec Saint-Aubert, avec sa fille, et les regardait souvent avec un degré de tendresse qui faisait couler des larmes. Saint-Aubert, qui s'en aperçut, lui reprocha tendrement son émotion. Elle ne pouvait que sourire, serrer sa main, celle d'Émilie, et pleurer davantage. Elle sentit que l'enthousiasme du sentiment lui devenait presque pénible. Une impression de tristesse s'empara de lui. Des soupirs lui échappèrent. Peut-être, se disait-il, peut-être ce moment est-il pour moi le terme du bonheur, comme il en est le comble. Mais ne l'abrégeons pas par des regrets anticipés. Espérons que je ne reviens pas à la vie pour avoir à pleurer moi-même les seuls êtres qui me la font chérir. Pour sortir de ses pensées mélancoliques, ou peut-être pour s'y entretenir, il pria Émilie d'aller chercher son luth et d'essayer quelque tendre accord. Comme elle approchait de la pêcherie, elle fut surprise d'entendre les cordes de son instrument touchées par une main savante et accompagnées d'un chant plaintif qui captiva son attention. Elle écouta dans un profond silence, craignant qu'un mouvement indiscret ne la privât d'un son ou n'interrompît le musicien. Tout était calme dans le pavillon et personne ne paraissait. Elle continua d'écouter. Mais enfin la surprise et le plaisir firent place à la timidité. La timidité s'augmenta par le souvenir des lignes au crayon qu'elle avait déjà vues. Et elle hésita si elle ne se retirerait pas un instant. Dans l'intervalle, la musique cessa. Émilie reprit courage et s'avança, quoique en tremblant, vers la pêcherie. Elle n'y vit personne. Le luth était sur la table, et chaque chose comme on l'avait laissé. Émilie commença à croire qu'elle avait entendu un autre instrument. Mais elle se ressouvint qu'en suivant monsieur et madame Saint-Aubert, elle avait posé son luth près de la fenêtre. Elle se sentit alarmée sans en savoir la cause. L'obscurité du soir, le silence de ce lieu, qu'interrompait seulement le frémissement léger des feuilles, augmentèrent ses craintes enfantines. Elle voulut sortir, mais elle s'aperçut qu'elle s'affaiblissait et fut obligée de s'asseoir. Elle essayait de se remettre quand ses yeux rencontrèrent les vers écrits au crayon. Elle tressaillit comme si elle eût vu un étranger. Puis s'efforçant enfin de vaincre sa terreur, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. D'autres vers étaient ajoutés au premier. Et cette fois son nom y figurait. Il ne fut plus possible de douter que l'hommage n'en fût pour elle. Mais il ne lui fut pas moins impossible d'en deviner l'auteur. Tandis qu'elle y rêvait, elle entendit le bruit de quelques pas derrière le bâtiment. Affrayée, elle prit son luth, s'échappa, et rencontra monsieur et madame Saint-Aubert dans un petit sentier le long de la clairière. Ils montèrent ensemble sur un tertre couvert de figuiers, et dont les plaines et les vallées de Gascogne formaient le point de vue. Ils s'assirent sur le gazon, et tandis que leurs regards embrassaient un grand spectacle, ils respiraient en repos le doux parfum des plantes qui tapissaient la pelouse. Émilie répéta les chansons qu'ils aimaient le plus, et l'expression qu'elle y mit en redoubla les agréments. La musique et la conversation les retinrent dans ce lieu enchanté jusqu'au dernier moment d'un crépuscule prolongé. Les voiles blanches qui marquaient au-dessous des montagnes le cours rapide de la Garonne avaient cessé d'être visibles. C'était une obscurité moins triste que mélancolique. Saint-Aubert et sa famille se levèrent et s'éloignèrent à regret du bois. Hélas, madame Saint-Aubert ignorait que jamais elle n'y devait revenir. Arrivée à la pêcherie, elle s'aperçut qu'elle avait perdu son bracelet. Elle l'avait ôté en dînant et l'avait laissé sur la table en allant se promener. On chercha longtemps. Émilie n'y épargna aucun soin. Ce fut en vain. Il fallut y renoncer. Le prix que madame Saint-Aubert mettait à ce bracelet venait du portrait d'Émilie dont il était orné. Et ce portrait, fait depuis peu, était d'une ressemblance parfaite. Quand Émilie fut assurée de la perte, elle rougit et devint pensive. Un étranger s'était introduit à la pêcherie dans leur absence. Son luth et les vers qu'elle venait de lire ne lui permettaient pas d'en douter. On pouvait raisonnablement conclure que le poète, le musicien et le voleur étaient la même personne. Mais quoique cette musique sévère et l'enlèvement du portrait formassent une combinaison remarquable, Émilie se sentit irrésistiblement détournée d'en faire mention. Elle se promit seulement de ne plus visiter la pêcherie sans la compagnie de monsieur ou de madame Saint-Aubert. Ils revinrent au château un peu préoccupés. Émilie songeait à ce qui venait d'arriver. Saint-Aubert se livrait à la plus douce reconnaissance en contemplant les biens qu'il possédait. Madame Saint-Aubert était troublée et tourmentée du portrait. En approchant de la maison, ils distinguèrent un bruit confus. On entendait des voix, des chevaux, plusieurs valets traversaient les allées. Bientôt une voiture entra dans l'avenue, et l'on découvrit de plus près que cette voiture attelée de deux chevaux en sueur était sur la plateforme. Saint-Aubert reconnut les livrées de son beau-frère et trouva effectivement monsieur et madame Quesnel dans le salon. Ils étaient sortis de Paris depuis fort peu de jours et allaient à leurs terres éloignées de 10 lieues de la vallée. Il y avait quelques années que Saint-Aubert la leur avait vendue. Monsieur Quesnel était l'unique frère de madame Saint-Aubert, mais aucun rapport de caractère n'ayant fortifié leur liaison, la correspondance entre eux n'avait pas été fort soutenue. Monsieur Quesnel s'était livré au plus grand monde. Il visait à quelque importance, il aimait le faste. Son adresse, ses insinuations avaient presque atteint leur objet. Il n'est plus étonnant qu'un pareil homme méconnût le goût pur, la simplicité, la modération de Saint-Aubert, et n'y vit qu'une petitesse d'esprit et une totale incapacité. Le mariage de sa sœur avec Saint-Aubert avait été mortifiant pour son ambition. Il avait espéré qu'elle formerait quelque alliance plus propre à servir ses projets. Il avait reçu des propositions assez conformes à ses espérances, mais sa sœur, que Saint-Aubert recherchait alors, s'aperçut ou crut s'apercevoir que le bonheur et la splendeur n'étaient pas toujours synonymes, et son choix fut bientôt fixé. Quelles que fussent les idées de Quesnel à cet égard, il aurait volontiers sacrifié le repos de sa sœur à l'avancement de sa propre fortune. Il ne put, quand elle se maria, lui dissimuler son mépris pour ses principes et pour l'union qu'il déterminait. Madame Saint-Aubert cacha cette insulte à son époux. Mais pour la première fois, peut-être, le ressentiment s'éleva dans son cœur. Elle conserva sa dignité et se conduisit avec prudence. Mais la froide réserve de ses manières avertit assez Monsieur Quesnel de ce qu'elle éprouvait. En se mariant lui-même, il ne suivit pas l'exemple de sa sœur. Sa femme était une Italienne, riche héritière, mais son naturel et son éducation en faisaient une personne aussi frivole que vaine. Ils avaient le projet de passer la nuit chez Saint-Aubert, et comme le château ne pouvait loger tous leurs domestiques, on les envoyait au village voisin. Après les premiers compliments et les dispositions nécessaires, M. Quesnel commença à récapituler ses liaisons et ses connaissances. Saint-Aubert, qui avait assez vécu dans la retraite pour que ce sujet lui parût nouveau, l'écouta avec patience et attention, et son hôte y crut voir autant d'humilité que de surprise. Il décrivait à la vérité le petit nombre de fêtes que les troubles de ces temps permettaient à la cour de Henri III, et son exactitude dédommageait de son arrogance. Mais quand il vint à parler du duc de Joyeuse, d'un traité secret dont il connaissait la négociation avec la porte, du jour sous lequel Henri de Navarre était vu à la cour, Saint-Aubert rappela sa première expérience et se convainquit bientôt que son beau-frère pouvait au plus tenir à la cour le dernier rang. L'indiscrétion de ses discours ne pouvait s'accorder avec ses prétendues lumières. Cependant, Saint-Aubert ne discuta point. Il savait trop bien que M. Quesnel n'avait ni sensibilité ni jugement. Madame Quesnel, pendant ce temps, exprimait son étonnement à Madame Saint-Aubert sur la vie triste qu'elle menait, disait-elle, dans un coin si retiré du monde. Probablement pour exciter l'envie, elle se mit de suite à raconter les bals, les banquets, les processions dernièrement données à la cour, et la magnificence des fêtes, dont les noces au duc de Joyeuse et de Marguerite de Lorraine, sœur de la reine, avaient été le sujet et l'occasion. Elle décrivit avec la même précision et ce qu'elle avait vu et ce qui ne lui avait pas été permis de voir. L'imagination vive d'Émilie accueillit ses récits avec l'ardente curiosité de la jeunesse, et Madame Saint-Aubert, considérant sa famille, les larmes aux yeux, sentit que si l'éclat ajoute au bonheur, la vertu seule peut le faire éclore. Saint-Aubert, dit Quesnel, il y a 12 ans que j'achetais votre patrimoine. À peu près, dit Saint-Aubert en retenant un soupir. Et il y a bien 5 ans que je n'y suis allé, reprit Quesnel. Paris, ses environs, sont l'unique lieu où l'on puisse vivre. Mais d'ailleurs, je suis tellement répandu, tellement versé dans les affaires, j'en suis tellement accablé, que je n'ai pu, sans beaucoup de peine, m'esquiver pour un mois ou deux. Saint-Aubert ne répliquait rien. Quesnel poursuivit. Je me suis souvent étonné que vous, qui avez vécu dans la capitale, vous accoutumez au grand monde, vous puissiez exister ailleurs, surtout dans un pays comme celui-ci, où vous n'entendez parler de rien, où l'on ne sait à peine qu'on existe. Je vis pour ma famille et pour moi, dit Saint-Aubert. Je me contente aujourd'hui de connaître le bonheur. Autrefois, j'ai connu le monde. Je compte dépenser chez moi 30 ou 40 000 livres en embellissement, dit Quesnel, sans faire attention à la réponse de Saint-Aubert. J'ai le projet, pour l'été prochain, d'y faire venir mes amis, le duc de Durfort, le marquis de Grammont, me donneront bien un mois ou deux. » Saint-Aubert le questionna sur ses projets d'embellissement. Il s'agissait d'abattre l'aile droite du château pour y bâtir des écuries. « Je ferai ensuite, ajouta-t-il, une salle à manger, un salon, une grande salle commune, des logements pour tous mes gens, car à présent je n'ai pas de quoi en placer le tiers. » « Tous ceux de mon père y logeaient, » dit Saint-Aubert, qui regrettait la vieille maison, et sa suite était assez considérable. « Nos idées sont un peu agrandies, » lui dit Quesnel. « Ce qu'on trouvait décent me paraîtrait plus supportable, ne paraîtrait plus supportable. » Le flegmatique Saint-Aubert rougit à ces mots, mais le mépris prit bientôt la place de la colère. « Le château est encombré d'arbres, » ajouta Quesnel. « Mais je compte l'éclaircir. »« Vous couperez les arbres ?» dit Saint-Aubert. « Assurément, et pourquoi pas ? Il masque la vue. Il y a un vieux châtaignier qui étend ses branches sur tout un côté du château et couvre toute la face du côté du sud. On le dit si vieux que 12 hommes tiendraient dans le creux de son trône. Votre enthousiasme n'ira pas à prétendre qu'un vieil arbre sans agrément ait sa beauté ou son usage. » « Bon Dieu !» s'écria Saint-Aubert, « vous ne détruirez pas ce majestueux châtaignier qui a vu tant de siècles et qui faisait l'ornement de la terre. Il était déjà grand quand la maison fut bâtie. Souvent dans ma jeunesse, je gravissais jusqu'à ses branches. Là, perdu entre ses feuilles, la pluie pouvait tout inonder sans qu'une seule goutte m'atteignît. Combien d'heures j'y ai passé un livre à la main ?»« Mais pardonnez-moi, » ajouta Saint-Aubert en se rappelant qu'on ne pouvait l'entendre ni le concevoir. Je parle du vieux temps. Mes sentiments ne sont plus de mode, et la conversation d'un arbre vénérable n'est pas plus que au ton du jour. Je l'abattrai certainement, dit M. Quesnel, mais je pourrais bien planter quelques peupliers d'Italie entre ceux des châtaigniers que je laisserai dans la venue. Madame Quesnel aimait beaucoup le peuplier, et me parle souvent de la maison de son oncle près de Venise, où cette plantation fait un superbe effet. « Sur les bords de la Brenta, » dit Saint-Aubert, « où sa taille élancée droite se mêle au pin, au cyprès, et se joue autour d'élégants portiques et de légères colonnades, il doit effectivement orner la Seine. Mais parmi les géants de nos forêts, à côté d'une pesante et gothique architecture. « Cela se peut, mon cher monsieur Dickenen. Je ne disputerai pas avec vous. » « Il vous faut retourner à Paris avant que nos idées puissent avoir quelque rapport. »« Mais à propos de Venise, j'ai quelque envie d'y faire un voyage l'été prochain. »« Quelques événements peuvent me rendre propriétaire de cette maison dont je vous parlais, et qu'on dit charmante. »« Dans ce cas, je remettrai mes projets d'embellissement à l'autre année, et je me laisserai entraîner à passer plus de temps en Italie. » Émilie fut un peu surprise quand il parla de cette tentation. Un homme si nécessaire à Paris, un homme qui pouvait à peine s'en dérober un mois ou deux, songer à aller en pays étranger et à l'habiter quelque temps, Saint-Aubert connaissait trop bien sa vanité pour s'étonner d'un trait pareil, et voyant la possibilité d'un délai pour les embellissements projetés, il conçut l'espérance de leur total abandon. Avant de se séparer, M. Quesnel désira entretenir particulièrement Saint-Aubert. Ils passèrent dans une autre pièce et y restèrent longtemps. Le sujet de leur entretien fut ignoré. Mais quel qu'en eût été le sujet, Saint-Aubert, à son retour, parut vivement affecté, et la tristesse répandue sur ses traits alarma Madame Saint-Aubert. Quand ils furent seuls, elle fut tentée de lui en demander la cause. La délicatesse qu'elle lui connaissait l'arrêta. Elle pensa que si Saint-Aubert jugeait à propos qu'elle en fût informée, il n'attendrait pas ces questions. Le jour suivant, M. Quesnel partit, mais il eut d'abord une seconde conférence avec Saint-Aubert. Ce fut après dîner. Et à la fraîcheur, les nouveaux hôtes se remirent en route pour Épourville. Ils pressèrent M. et Mme Saint-Aubert de les y visiter, mais bien plus dans l'espoir d'étaler leur magnificence que dans le désir de les en faire jouir. Emily revint avec délice à la liberté que lui enlevait leur présence. Elle retrouva ses livres, ses promenades, les entretiens raisonnés de ses parents, et eux-mêmes se félicitèrent de se voir délivrés de tant de frivolité et d'arrogance. Madame Saint-Aubert se dispensa de la promenade ordinaire du soir. Elle se plaignit d'un peu de fatigue, et Saint-Aubert sortit avec Émilie. Ils se dirigèrent dans les montagnes. Leur projet était de visiter quelques vieux pensionnaires de Saint-Aubert. Un revenu modique lui permettait une pareille charge. Et il est vraisemblable que M. Quesnel, avec ses trésors, n'aurait pas pu la supporter. Saint-Aubert distribua ses bienfaits à ses humbles amis. Il écouta les uns et il soulagea les autres. Il les consola tous par les doux regards de la sympathie et le sourire de la bienveillance. Saint-Aubert, traversant avec Émilie les sentiers obscurs de la forêt, revint avec elle au château. Sa femme était retirée dans son appartement. La langueur et l'abattement qui l'avaient accablée, et que l'arrivée des étrangers avait comme suspendue, la saisirent de nouveau, mais avec des symptômes plus fâcheux. Le lendemain, la fièvre se déclara. Le médecin y reconnut les mêmes caractères qu'à celles dont Saint-Aubert venait d'échapper. Elle en avait reçu le poison en soignant son époux. Sa complexion, trop faible, n'avait pu y résister. Le mal s'était répandu dans ses veines et l'avait jeté dans la langueur. Saint-Aubert, dont les inquiétudes surpassaient toute espèce de considération, retint le médecin à la maison. Il se rappela les sentiments et les réflexions qui avaient noirci ses idées la dernière fois qu'ils avaient été à la pêcherie. Il crut au pressentiment et craignit tout pour la malade. Il réussit pourtant à lui cacher son trouble et ranima sa fille en augmentant ses espérances. Le médecin, interrogé par Saint-Aubert, répondit qu'il attendait pour prononcer une certitude qu'il n'avait point encore acquise. Madame Saint-Aubert semblait en avoir une moins douteuse, mais ses yeux seulement pouvaient l'indiquer. Elle les fixait souvent sur ses pauvres amis avec une expression de pitié et de tendresse, comme si elle eût anticipé leur chagrin, et paraissait ne regretter la vie qu'à cause d'eux et de leur douleur. Le septième jour fut celui de la crise. Le médecin prit un ton plus grave. Elle l'observa, et profitant d'un moment où elle était seule, elle l'assura qu'elle croyait sa mort prochaine. « N'essayez pas de me tromper, lui dit-elle. Je sens que je n'ai plus longtemps à vivre. Je suis préparée à mourir, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puisqu'il est ainsi, qu'une fausse compassion ne vous conduise pas à flatter ma famille. Si vous le faisiez, leur affliction en serait plus accablante lors de l'événement. Je m'efforcerai de leur enseigner la résignation par mon exemple. » Le médecin fut attendri, il promit d'obéir et dit un peu brusquement à Saint-Aubert qu'il ne fallait plus espérer. La philosophie de cet infortuné n'était pas à l'épreuve d'un pareil coup, mais le surcroît d'affliction, dont l'excès de sa douleur aurait pu accabler sa femme, le rendit capable de la modérer en sa présence. Émilie fut d'abord renversée, mais abusée par la vivacité de ses désirs, elle conserva l'espoir de la guérison de sa mère et ne le perdit qu'au dernier moment. La maladie faisait des progrès. La résignation et le calme de Madame Saint-Aubert semblaient augmenter avec elle. La tranquillité avec laquelle elle attendait la mort ne pouvait venir que d'un retour sur elle-même, sur une vie sans reproche, et autant que l'humaine fragilité le comportait, constamment passée en la présence de Dieu, et dans l'espoir d'un meilleur monde, mais la piété ne pouvait subjuguer la douleur qu'elle éprouvait en quittant des amis si chers. Durant ces derniers moments, elle entretint longtemps Saint-Aubert et Émilie sur la vie à venir et sur d'autres sujets religieux. La résignation qu'elle exprima, la ferme espérance de retrouver dans l'éternité ceux qu'elle abandonnait en ce monde, l'effort qu'elle faisait pour cacher la douleur que lui causait cette séparation momentanée, tout affecta tellement Saint-Aubert qu'il fut obligé de quitter la chambre. Il pleura amèrement, mais enfin il sécha ses larmes et rentra avec une contrainte qui ne pouvait qu'augmenter son supplice. mais Émilie n'avait mieux conçu combien il était sage de modérer sa sensibilité. Jamais non plus elle n'y avait travaillé avec tant de courage. Mais après l'événement, elle fut anéantie sous le poids de la douleur, et comprit que l'espérance, autant que la force, avait concouru à la soutenir. Saint-Aubert était trop affligé lui-même pour pouvoir consoler sa fille.